voulant avoir à tel âge où la vie prend bien plus de choses qu'elle n'en donne, et nous n'y pouvons rien. J'ai pas compris quand on m'a dit vas-y laisse tomber, cette vie est trop galère pour qu'on puisse trouver un plan B. J'ai pas compris quand on m'a dit ben il a sombré, endormi au volant mais dis-moi qui pouvait y songer. J'ai pas compris mais où est passé l'esprit de fratrie, depuis longtemps parti, il laisse place à l'esprit de frapperie. J'ai pas compris pourquoi on a grandi si vite, le cœur si vite, noyé dans la masse comme un keuf en civil. J'ai pas compris quand on m'a dit fume ça t'étend, car aujourd'hui malheureusement mon corps seul en dépend. J'ai pas compris pourquoi si peu de tolérance, alors en attendant je remplis le cahier de doléances. J'ai pas compris mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, lui s'est fait sauter la sienne, écroulé par les dettes, ses dettes. J'ai pas compris tellement de trucs que j'ai plus quoi penser, avancer ou savoir sur quel pied danser. J'ai pas compris pourquoi même dans l'amour on se déchire, et toutes ces années passées reparties dans un soupir. J'ai pas compris mais sûrement tu m'en diras tant, comment peut-on se regarder dans une glace et mentir autant, dans une glace et mentir autant, une glace et mentir autant. Mais maintenant j'ai compris, t'inquiète pas, je commence à m'y faire. Plus étonné de voir les gens réagir comme des mammifères. Je m'aniferme, le stylo est sans paliverne. Je raconte des vérités, pas comme tous ceux qui nous gouvernent. Bien sûr, j'aimerais que tout soit beau, facile et acceptable, sans qu'on dise qu'il y a un traître assis à cette table. Friable sont les esprits manipulés par le diable, car on sait tous au fond qu'on est sur un terrain pas fiable. Quelqu'un me tire vers le sol, je ressens les choses mais je vois rien. C'est par là. Regarde-moi ces connards qui s'agitent.